C'était la première fois qu'il la voyait comme ça. Il m'a dit qu'il a halluciné plus d'une fois. Il l'aimait, c'est comme ça, comme un amour fit ça. C'était la première fois qu'il aimait une fille. C'était la première fois dont toute sa pauvre vie n'a rien osé lui dire, juste peur du pire, ne savait que le sourire lui allait à ravir. Il ne savait que dire, ne savait que souffrir. C'était la première fois qu'il aimait une fille. C'était la première fois dans toute sa pauvre vie. Il voyait cette fille un peu comme un calice, tous mes voeux adroudis, et puis à Anaïs.